Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! La saison 2 d'Un été incroyable s'est terminée jeudi dernier. Lana, Iliès et Arthur vont profiter d'un repos bien mérité pour laisser place à la rentrée des petites histoires. Au programme du mois de septembre, de nouvelles histoires, des ateliers pour apprendre à en créer et des cadeaux. Côté histoire, il y en aura 5. Dès jeudi prochain, vous pourrez suivre une nouvelle enquête de Zélie, notre agente secrète de choc. Après ça, vous découvrirez la suite des aventures de Zephira et Jim, les écureuils intrépides imaginés par Thomas. Vous ferez ensuite la connaissance d'Olive, un nouveau héros imaginé par Cécile et qui a l'incroyable pouvoir de rêver à voix haute. Vous aurez droit également à une nouvelle version de L'Ouvreur de Portes, une histoire que j'avais écrite au tout début du podcast et qui prend une nouvelle dimension. Pour les abonnés, la cinquième et dernière histoire du mois de septembre leur sera réservée. Elle s'intitule La photo mystère. C'est une enquête pleine de rebondissements que j'ai écrite sur une idée de Thomas. Je vous l'ai dit en introduction, il n'y aura pas que des histoires ce mois-ci. En septembre, je vais animer 2 ateliers pour vous apprendre à fabriquer des histoires. J'ai imaginé une histoire interactive. Vous allez décider de plein de choses. Qui sont les héros, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, ça va être canon. Il y aura 2 ateliers à Paris, les dimanches 5 et 12 septembre à 14h aux Galeries Lafayette. Ils sont pensés pour les 7-10 ans. Chaque atelier va durer 1h30, il y a 10 places par atelier et la place coûte 10€ seulement. À la fin de l'atelier, vous repartirez avec un jeu de cartes de recettes pour créer des histoires à la maison. Quelques jours plus tard, vous recevrez le script de l'histoire que nous aurons créé ensemble. Mais surtout, vous pourrez l'écouter, puisqu'elle sera diffusée au mois d'octobre sur le podcast. Il reste encore quelques places. Pour venir, rendez-vous sur telming.com/atelier ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Terminons le programme de septembre avec des cadeaux. Pour cette rentrée, PandaCraft est l'un des sponsors du podcast. PandaCraft propose des kits créatifs et scientifiques composés d'une activité manuelle et d'un magazine pour explorer un thème inédit. Ils offrent 3 kits aux auditeurs du podcast. Pour avoir la chance d'en gagner un, tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur telming.com/jeu. telming.com/jeu. Je tirerai au sort les gagnants le 6 septembre. Voilà, vous savez tout. Je vous embrasse et je vous souhaite une chouette rentrée. Maman, raconte-moi une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un T-Rex qui s'était fait voler son vélo, enfin non, sa pédalette. Parce qu'après, c'était pas facile pour aller sur le trottoir du ciel. Et du coup, pour les arcs-en-ciel, eh ben... Sinon, pour trouver de nouvelles histoires, McDonald's lance les mercredis à lire. Un album jeunesse offert pour l'achat d'un menu Happy Meal, le premier mercredi de chaque mois. Durée limitée, album offert en plus du jouet ou du livre du moment. Pour votre santé, bougez plus. Que dit notre mémoire de notre identité, de notre rapport aux autres, au monde ? Mémoire, dis-moi qui je suis est un podcast immersif en 12 épisodes à la découverte des mémoires. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. Plongée dans la mémoire de Marie, Jean-Louis, Pascal, des experts, tous scientifiques de renom, racontent ce qui se passe dans leur cerveau. Mémoire, dis-moi qui je suis, un podcast réalisé par l'Observatoire B2V des mémoires, membre du groupe B2V.